I must live from a land so far. I was caught and I was brought here from Africa. I must live from a land so far. I was caught and I was brought here from Africa. Well, it was licks like fire from the white slave master. Every day I dung on my knees. Weeks and weeks before we crossed the seas to reach in the West Indies. And then they made me work. Oh yes, I work. A good Lord, no pay. I toil and toil and toil and toil so hard each day. I'm done. English slave master standing there with the gun. Oh, I know he going to shoot to kill. So I stay and I pray, but I'm planning still. I study night and day how to break away. I got to make a brilliant escape. But every time I think about the whip and them dogs, my body does start to shake. Because they made me work. Oh yes, I work. A good Lord, no pay. And then I toil and toil, toil and toil so hard each day. I'm done. There's much to say, and I hope that the boss will listen to me someday. Although he knew my request was small, it was the sting of the whip there to answer me when I called. We had to chant and sing to express our feeling to that wicked and cruel man. That was the only medicine to make him listen. And his calypso began. Oh, when they make you work, oh Lord, you work. Good Lord, no pay. And then you toil and toil and toil and toil so hard each day. I'm done. Change. so many ways. Till one day somebody said, free the bloody slaves. I was then put out on the street. I got no food, I got no clothes, got no place to sleep. I had no education, no particular ambition. This I cannot conceal. Forgot my native culture, I say I live like a vulture. From the white boss I had to steal. He made me work, oh yes I work. Oh Lord, no pay, yeah, I toil and toil and I toil and toil so hard. C'était Mighty Sparrow, donc c'est du calypso des Caraïbes, un peu une musique de carnaval. Il a gagné, c'est un peu le roi du calypso, hein, Mighty Sparrow. Il a gagné plein de compétitions parce qu'à chaque carnaval, il y a des compétitions de chansons. C'est souvent très critique, c'est très social. Et là, il raconte vraiment bien, je trouve, un peu l'histoire des esclaves dans le sens qu'à un moment, bah, c'est un des détails, les esclaves sont libérés. Ça veut dire mis dans la rue, sans aucune éducation, sans aucune conception sur comment est-ce qu'ils vont continuer à vivre. Et voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se démerdent dans la vie, quoi. Qu'ils se démerdent et qu'ils sont de nouveau exploités, mais d'une autre façon, bah oui. En gros. Ah oui. Voilà. Ok, merci Hans. Voilà, nous allons revenir à Mouad. Donc, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Voilà. Mais c'est avec plaisir. C'était important quand même. Voilà. J'aurais voulu savoir, bon, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît Rosa Parks, que tu nous racontes un petit peu qui était Rosa Parks. Eh bien, Rosa Parks, c'est une Afro-américaine, c'est une Noire américaine qui vivait dans le sud des États-Unis, qui est née dans la première partie du XXe siècle. Et qui est connue, ou pas connue malheureusement, pour une action qu'elle a menée le 1er décembre 1955 dans un bus en Alabama. Et l'action consistait simplement à refuser de se lever suite à l'injonction du chauffeur qui lui demandait de se lever d'une place réservée aux Blancs pour aller s'asseoir à une place réservée aux Noirs. Mmh. Et cette action a été la base du lancement du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Parce qu'elle a été emprisonnée suite à ça. Oui, elle a été emprisonnée, oui. Mmh. Et le compagnon qui était avec elle aussi. Mmh. Donc Rosa Parks, c'est pour ça qu'elle est connue, mais, pour cette action-là, mais elle vient d'une famille d'activistes et de gens qui luttaient pour les droits des Noirs. Depuis longtemps. Mm-hmm. Et j'ai lu hier un petit texte qui explique que 4 jours avant, elle a assisté à une réunion dans une église baptiste en Alabama. Le rassemblement était organisé suite au lynchage et à la torture d'un jeune noir de 14 ans originaire de Chicago qui avait été tué dans, je ne sais plus si c'est Mississippi ou Minnesota, mais qui avait été tué quelques jours avant. Les gens qui l'ont tué ont été jugés, mais ils ont été acquittés, ils ont été blanchis. Enfin, ils étaient déjà blancs, mais ils ont été blanchis de manière judiciaire. Donc voilà, 4 jours avant qu'elle fasse cette action, elle a assisté à ce rassemblement, et plus tard, elle a rencontré la mère du garçon qui avait été lynché, torturé et tué. Et elle lui a dit qu'au moment de refuser de se lever, c'était pas parce qu'elle était fatiguée, mais c'est parce qu'elle avait pensé à ce moment-là et qu'elle était écœurée, dégoûtée, révoltée du fait que le système tout entier. Enfin, les Noirs sont maltraités sur base de la loi. Les Noirs sont infériorisés, tués. Y a pas pire comme mauvais traitement que de torturer et de tuer quelqu'un. Et puis que les juges disaient que c'était légal. Donc voilà, on raconte parfois que c'était parce qu'elle était fatiguée qu'elle a refusé de se lever. Mais en restant assise, elle se levait en fait contre tout un système d'oppression globale que les Noirs subissaient aux États-Unis depuis des siècles et qui subissent encore sous d'autres formes aujourd'hui. Et suite à cette action, il y a eu quand même une action importante de boycott de la compagnie de bus. Oui. Qui a duré 380 jours, d'après ce que j'ai lu, et qui a été importante quand même. Et il y a eu quand même, à cette époque-là aussi, un jeune qui est devenu après célèbre, c'est le Martin Luther King, qui s'est levé et qui a aussi essayé... Qui a été un des leaders, les plus connus et les plus charismatiques du mouvement des droits civiques aux États-Unis, et qui a fini assassiné. 68. Ok, et alors, suite à ça, le collectif qui s'appelle Rosa Parks, quelle a été l'idée de prendre ce nom pour faire ce collectif? Je vais faire un peu l'historique, effectivement, d'où vient cette idée de créer un collectif Rosa Parks, et puis d'organiser les actions qu'on organise ce week-end. Ça vient des conclusions d'un colloque international qui a été organisé à Saint-Denis, au nord de Paris, pendant 3 jours au début du mois de mai de cette année. Colloque qui s'appelait le Bandung du Nord. Alors Bandung du Nord, en référence évidemment au Bandung originel qui a eu lieu donc dans la ville de Bandung dans les années 50. Et pendant lequel des pays qui étaient soit en voie de décolonisation, soit qui venaient d'être décolonisés, des pays du Sud se sont réunis. Et on retient cette date comme cette réunion comme la première apparition politique sur la scène internationale des pays du Sud de manière indépendante, sans être contrôlés ou représentés. Enfin, c'était la première fois qu'ils étaient présents sur la scène internationale. Et leur objectif, c'était, collectivement surtout, et leur objectif, c'était de créer un mouvement de non-alignés, c'est-à-dire qui ne suivait ni le communisme de l'Union soviétique, ni le libéralisme européen. De l'OTAN, on va dire, pour résumer, de l'Europe et surtout des États-Unis. Et donc ça, c'était la première apparition de ces pays du Sud, et le nom de Bandung du Nord étant en référence à ça, parce que ce colloque a réuni des gens issus du Sud qui vivent dans le Nord. Et il y avait des gens de plusieurs pays, de France, de Belgique, des Pays-Bas, d'Espagne, du Portugal, Italie, Canada, Grande-Bretagne, Suède. Je ne vais pas tous les citer, mais c'était vraiment un colloque international. Il n'y avait pas que des racisés, il n'y avait pas que des gens issus du Sud. Mais c'était principalement... c'était le but, c'était de faire apparaître les gens du Sud qui vivent dans le Nord et qui font de l'antiracisme politique et qui ont une vision et un objectif décolonial pour la société, pour le monde entier, en fait. Donc, ce colloque, vous pouvez chercher après sur Internet, quasi toutes les vidéos de toutes les interventions. Enfin, toutes les interventions sont disponibles en vidéo sur Internet. C'est pas difficile à trouver. Et donc, les conclusions de ce colloque, il y en a eu deux. Colloque, j'ai oublié de le dire, qui était organisé par le réseau décolonial international. Deux conclusions donc à ce colloque. La première, c'est que notre objectif, c'est de renforcer le réseau décolonial international, qu'il s'élargisse et qu'il se renforce. Et le deuxième objectif, conclusion de ce colloque, c'est l'organisation de ces deux journées d'action, le 30 novembre et le 1er décembre. Le 1er décembre, je vais faire ça dans l'ordre chronologique. Le 30 novembre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va disparaître. Donc c'est un peu ironique, mais on va faire plaisir à tous les racistes qui nous demandent de disparaître, qui trouvent qu'on n'a aucune plus-value, qui refusent d'inscrire des gens ou qui limitent le nombre de gens qui peuvent s'inscrire alors que la loi dit le contraire. Donc tous ces gens-là qu'on laisse vivre ou survivre dans des parcs, le but c'est de disparaître ce jour-là et de faire plaisir aux racistes. Disparaître chacun comme on peut. En n'allant pas travailler, en n'allant pas à la fac, en n'allant pas à l'école, en regardant pas la télé, en n'allant pas sur les réseaux sociaux, en n'utilisant même pas son ordinateur, en boycottant au maximum la société en fait dans laquelle on vit. C'est difficile à mesurer, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, ni beaucoup d'influence, ni malheureusement assez de soutien. Mais il faut imaginer que si les racisés parvenaient à disparaître en masse, ne fût-ce qu'une journée, dans une ville comme Bruxelles, ça veut dire la STIB qui est paralysée, ça veut dire Bruxelles Propreté qui est paralysée, ça veut dire la plupart des aides-soignantes, des gens qui doivent être soignés et qui ne sont pas soignés. C'est-à-dire que c'est tous des gens qui font des boulots souvent ingrats. Et qui en plus doivent subir le racisme d'État. S'ils parvenaient à disparaître une journée, ça ferait peut-être moins plaisir aux racistes et on se rendrait peut-être compte de la plus-value de ces populations-là qui subissent le racisme. Donc ça c'est pour le 30 novembre, c'est l'objectif. Mais attends, disparaître, il faut quand même, pour toucher quand même pas mal de monde qui veulent disparaître, il faut faire quand même une promotion par rapport à ça, quoi. Il faut les convaincre. Évidemment, on n'a pas des moyens de communication énormes. Grâce à vous, on en a un peu plus. Mais on n'a pas accès aux médias, évidemment. Pas de manière directe, de manière très dure. On a réussi à faire publier une carte blanche dans le Vif, avec beaucoup de signataires. Mais pas assez, malheureusement, et beaucoup de gens à titre individuel. C'est une différence avec le collectif Rosa Parks France. Ils ont la chance et ils ont travaillé, ils ont réussi à parvenir à obtenir le soutien de plusieurs syndicats officiels dans le sens où ils ont la possibilité de déposer un préavis de grève. En Belgique, je l'ai appris la semaine passée grâce à Faïza, il faut en Belgique, pour pouvoir déposer un préavis de grève et être un syndicat reconnu officiellement, il faut 60 000 membres. Et les syndicats en Belgique... donc en France, ils ont déposé des préavis de grève officiels. Les gens peuvent faire grève et ils sont couverts par le préavis. Les syndicats communiquent là-dessus et ils en parlent. Ils ont aussi reçu le soutien de gens de tous les domaines, dans toutes les parties de la société civile, que ce soit des académiques... des syndicalistes. J'ai même vu que le PCF, le Parti communiste français. Oui, même ce qui reste du Parti communiste français. Ce qui reste du Parti communiste français. Les soutiens, effectivement. Ouais. Ce qui est très bien, l'union fait la force, c'est notre devise en plus ici. Voilà, donc j'ai un peu perdu le fil. Mais c'est au niveau de la promotion de ce... De la communication. Mais donc, nous, ici, on a des syndicalistes qui ont signé à titre individuel, mais aucun syndicat qui a les moyens de déposer un préavis de grève ne s'est exprimé ou n'a déposé, et encore moins n'a déposé de préavis de grève. Je pense que c'est une première fois aussi, hein. Oui, évidemment. Si il y a un certain écho, et si la communication avec les syndicats, parce qu'ils sont lents d'office, ça prend un peu de temps, donc ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait cette fois-ci que peut-être ils ne vont pas le faire dans l'avenir. Oui, mais quand tu regardes, par exemple, sur les pages sur Internet, tu regardes, il y a tel mouvement, je vois que le IWW, ils soutiennent le mouvement. Ça, c'est un syndicat qui nous soutient. Oui, j'ai vu, il y a pas mal de trucs qui vous soutiennent. Est-ce que ça va faire et comment on peut mesurer que les gens font carrément un boycott de une journée à ne pas regarder les réseaux sociaux, à ne pas aller dans les grands magasins. C'est vrai qu'on n'a certainement pas d'instrument de mesure pour mesurer. La disparition, c'est très difficile à mesurer. On ne va pas pucer les gens pour savoir ce qu'ils font ou pas. On fait confiance aux gens pour faire des actions selon leurs moyens. Mais je dis, l'objectif utopique, ce serait que les gens disparaissent en masse de leur poste de travail. Ouais. Les gens, et d'abord les racisés. Si en plus il y a des non-racisés qui s'allient à nous et qui disparaissent, bah une grève, ça fait de l'effet, hein. Quoi qu'on en dise, ça fait de l'effet. Les gens, s'ils n'ont pas leur tram le matin, ils le savent tout de suite, hein, qu'il y a un problème. Et donc, ce n'est pas mesurable en chiffres précis, mais ça aurait un impact. Pour la relation avec les syndicats, c'est vrai que ça prend du temps, mais en même temps, il y a beaucoup de collectifs qui font des actions antiracistes depuis longtemps, depuis quelques années, et de plus en plus qui font de l'antiracisme politique. Les moyens de communication aujourd'hui, atteindre un responsable syndical, c'est pas la mer à boire. Il faut pas avoir rendez-vous dans son bureau, il faut même pas avoir son numéro de téléphone. Ils ont des moyens de communication qui sont ouverts à tout le monde, et donc évidemment qu'on les a interpellés. Et l'IWW en tant que syndicat a interpellé ses homologues syndicats pour qu'ils nous rejoignent et nous soutiennent, au moins nous soutiennent. Mais on n'a pas eu de réponse encore jusqu'ici. C'est pareil aussi, il y a beaucoup de frilosité dans le chef des associations antiracistes classiques, établies, qui ont pignon sur rue. C'est pas un reproche, mais qui sont subsidiées. Elles sont frileuses à nous rejoindre aussi, parce que nous, on pense que c'est parce qu'elles font surtout de l'antiracisme moral, ou alors elles font... De l'associatif juridique. Je ne vais pas citer de nom, mais on fait des procès, ce qui est une manière de lutter aussi, hein, et on les soutient dans leur lutte judiciaire, juridique, contre les discriminations. Mais nous, on a choisi de faire une lutte politique et pas juridique ou associative, et on regrette que de ne pas avoir leur soutien, alors que ils ont les mêmes objectifs affichés que nous, même s'ils font plus dans l'antiracisme moral que dans l'antiracisme politique. Pour faire la différence, pour expliquer peut-être, l'antiracisme moral, c'est l'antiracisme à la sauce SOS racisme, donc touche pas à mon pote, qui est une expression super, qui est très infériorisante pour le racisé en fait. Le racisé, il n'a pas besoin que le blanc, d'être sous l'aile du blanc qui le protège et qui lui dit, et qui dit au méchant raciste, touche pas à mon pote. Et comme j'expliquais quand on discutait avant, ce racisme-là, moral, qu'on appelle moral, c'est vrai qu'il est embêtant. Le gars qui vous dit, retourne dans ton pays, sale marocain, sale noir. C'est pas agréable, mais ça n'empêche pas vraiment de dormir, quoi. Le vrai problème, c'est le racisme systémique, c'est le racisme d'État, c'est le racisme structurel. Et ça, nous, on pense qu'il doit être combattu politiquement. Je propose qu'on passe encore une petite musique. Oui. Billie Holiday. Oui, bah, en fait, lui, il avait assis un morceau qui... Non, on peut le... Ah, pardon. Non, pour c'est après. Quand vous voulez. Pour après. Ah, voilà. Donc... Parce que tout à l'heure, on parlait de lynchage et tout ça. Je me suis dit, on pourrait passer Strange Fruit. Ah, Strange Fruit, ouais, c'est énorme comme morceau. And now a little tune written especially for me. Strange Fruit. Trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter voilà, donc nous nous retrouvons sur Tranche d'Anard, l'émission anarchiste de Radio Air Libre. Tu avais une question à poser, Hans ? Non, je voulais juste enchaîner, mais tu l'as très bien fait. Voilà, donc suite à cette disparition du 30 novembre. Oui. On se retrouve le lendemain. On se retrouve le lendemain, et là, il faut être le plus nombreux possible. Il ne faut pas faire la grève de la manif. On se retrouve le plus nombreux possible, fort, beau, joyeux, et envie de montrer qu'on est là, et qu'on est certainement une plus-value. Et parler haut et fort de nos revendications, la revendication de toute une série de droits qui sont normalement déjà acquis en fait, mais qu'on va on va dire que nous, que beaucoup d'entre nous n'y ont pas encore droit, et on va les revendiquer haut et fort. Mais et de préférence dans la joie et la bonne humeur. Donc on a rendez-vous samedi 1er décembre à la statue de Léopold II. Et pourquoi la statue de Léopold II ? Parce que Léopold II est un symbole incontournable de la colonialité, de l'histoire coloniale belge, et de ses conséquences encore contemporaines et même d'aujourd'hui même. Le roi génocidaire dont on nous apprend qu'il est le roi bâtisseur, et presque parfois le roi libérateur, qui a ravagé, enfin en tout cas qui est responsable du fait que le Congo a été et est encore aujourd'hui ravagé. Et grâce à ce ravage, nous dans le Nord, y compris nous les racisés qui sommes dans le Nord, on vit beaucoup mieux et beaucoup plus riche et beaucoup plus longtemps. Et beaucoup plus confortablement que les gens qui vivent dans ce pays que notre histoire et notre actualité en fait ravagent encore. Donc ça pour la statue de Léopold II, dans les choix qui nous étaient possibles pour notre parcours, pour notre marche, on a choisi de partir de cette statue là. Et alors après on va marcher dans le quartier européen. On va traverser le quartier européen en partant de la place du Trône pour arriver à la place Schumann, devant des institutions qui sont aussi représentatives d'une des choses que nous on combat, qui est un des cinq thèmes du collectif, des textes du collectif pour cette action du 30 novembre et 1er décembre, c'est-à-dire l'impérialisme, parce que l'Europe s'est vue comme un c'est vu, c'est construit, c'est raconté. Et c'est en partie vrai, hein, comme des institutions qui ont permis la paix en Europe, qui ont permis que les Européens arrêtent de s'entretuer et qui commencent à faire du business plutôt. Mm-hmm. Mais c'est aussi un instrument d'impérialisme. Les pays européens, que ce soit individuellement ou comme Union européenne, ou comme membre de l'OTAN, participent de l'impérialisme partout dans le monde. Mm-hmm. Donc voilà, on part du roi génocidaire pour arriver à un des symboles actuels de l'impérialisme mm-hmm. occidental. Et là, tu parles de cinq thèmes ou de cinq revendications. Est-ce que tu peux nous raconter un peu là-dessus ? Oui, bien sûr. Ce n'est pas vraiment cinq revendications, mais les textes sont disponibles sur notre site web. Je ne vais pas tout lire parce que c'est quand même assez long, c'est assez conséquent. Mais je peux citer et aborder un peu plus longuement chacun des thèmes. Donc, à côté de la lutte contre le racisme structurel, la lutte contre le racisme structurel, contre le racisme d'État est un des cinq thèmes qu'on avance. Lutter contre le racisme structurel, ça veut dire qui se matérialise, qui se manifeste aujourd'hui surtout par l'islamophobie. L'islamophobie, c'est la haine des musulmans, de ce qu'ils sont, de leur apparence. Et ça s'applique aux musulmans et à ceux qui sont considérés comme musulmans. Mm-hmm. Ça se manifeste de plusieurs manières, par des agressions physiques, récemment encore, sur des femmes voilées, sur des musulmanes, par des agressions symboliques aussi, qui sont plus anciennes, plus permanentes, plus généralisées par rapport aux filles voilées qui ne peuvent pas aller avec leur voile à l'école. Ça se matérialise aussi par... ça se manifeste aussi par le discours des médias par rapport aux musulmans. Il n'y a pas... je crois qu'on parle plus souvent d'islam et des musulmans sur les chaînes, sur n'importe quelle chaîne francophone que sur n'importe quelle chaîne arabe ou non-arabe d'un pays musulman. Ça se manifeste de plein de manières, donc l'islamophobie. Une des faces du racisme d'État qu'on combat. Une autre face du racisme d'État, on en a un peu parlé avec Léopold II, c'est la négrophobie. Mm-hmm. Ça veut dire le racisme que subissent les Noirs parce qu'ils sont Noirs. Et là, ça se manifeste aussi d'un tas de manières. Par exemple, avec notre tradition du père Fouettard, qui passe par la cheminée et qui ressort avec des boucles d'oreilles dorées, des lèvres rouges et un afro. C'est des cheminées magiques. C'est l'excuse qu'on nous donne, mais en fait c'est juste du blackface, c'est juste se grimer en noir et donner le rôle du méchant au noir. Ça s'est manifesté de manière plus répandue aussi récemment avec ce qu'a subi l'animatrice météo Cécile Djunga de la RTBF. Ça s'est manifesté encore avec ce jeune garçon noir qui a 14 ou 15 ans qui s'est fait maltraiter sur un quai de train, sur le quai d'une gare, et qui s'est carrément fait jeter sur les rails de train. Heureusement, il n'y avait pas de train, et donc il est vivant, et qu'on traitait de termes négrophobes. Mm-hmm. Encore un exemple, au festival Pickle Pop, je ne sais même pas si c'est le bon mot, mais à ce festival-là, cet été, on a vu... une bande de jeunes flamands qui chantaient à une jeune noire « On va te couper les mains, on va te couper les mains, et le Congo est à nous ». Et puis ça se manifeste dans la vie des Noirs tous les jours, de manière invisible, dans tous les domaines de leur vie. Donc ça, c'est le deuxième aspect du racisme d'État qu'on combat. Le troisième, et je ne vais pas être exhaustif, hein, je ne vais pas tous les citer, mais le troisième qui est conséquent aussi, c'est la romophobie. La manière dont les Roms sont traités dans ce pays, c'est aussi totalement scandaleux, c'est inhumain. Là, il y a un exemple récent qu'on a... Enfin, je pense que les gens qui regardent les journaux, on en parle même dans les journaux lambda, il y a cette famille, cette maman et ses quatre enfants qui ont été renvoyés en Serbie. Et on entend ces quatre enfants qui jouent... à l'extérieur de la maison, et ils jouent en flamand. Ils parlent que flamand, les enfants. Ils sont nés en Belgique et ils ont été expulsés. Mais ça, c'est un exemple récent et incontournable de romophobie. Mais il y a quelques-uns. Malheureusement, les malheurs qui arrivent aux gens, ils passent dans les médias. Mm-hmm. Il y a des séquences ou des modes, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Sauf sur l'islam, là, c'est là depuis... pas mal de temps. Depuis le 11... Enfin, oui, c'est là depuis... depuis les attentats. Ou peut-être que je le vois plus parce que je suis musulman ou assimilé musulman. Non, mais on en parle assez souvent, ça, c'est vrai. Ouais. Mais les causes... donc, les Roms, des Roms, que ce soit en France ou ici, subissent des discriminations, des rejets, alors que souvent, ils sont européens et même citoyens européens. Bon, là, dans le cas des Serbes, non. Mais on a renvoyé des Bulgares et des Roumains dans leur pays d'origine où on sait qu'ils vont être maltraités, où ils sont encore plus discriminés qu'ici. Ils sont exclus, donc ça veut dire des familles qui dorment à la rue. Ça arrive aussi à des gens qui sont d'ici, hein, mais pas dans ces proportions-là. Et pas à cause de leur origine. Donc ça, la romophobie, c'est un racisme tenace. Et constant dans le chef, dans le racisme d'État. Ça, c'est le racisme d'État au niveau interne. Et puis l'État agit aussi de manière raciste au niveau externe, dans sa participation à plusieurs guerres, mais ça, je reviendrai un peu plus longuement là-dessus. Dans le point contre l'impérialisme. Donc, par exemple, dans ses participations aux guerres de l'OTAN, on bombarde des pays un peu partout dans le monde, on vend des armes, on a des objets qui sont vendus par des gens ici, ils nourrissent leurs enfants avec ça, et ce qu'ils vendent, ça tue d'autres enfants ailleurs, quoi. Et puis aussi un autre exemple typique, permanent, de racisme d'État vers l'extérieur, c'est le soutien de nos gouvernements à tous les gouvernements d'Israël, quelle que soit leur tendance, et au colonialisme israélien. Mm-hmm. Voilà, donc ça c'est un des cinq thèmes, c'est le racisme d'État. Dont on pense encore une fois qu'il faut le combattre de toutes les manières possibles, mais certainement politiquement, sans le combat politique contre un racisme structurel. On n'en viendra pas à bout avec du racisme, de l'antiracisme moral, qui ne l'évoque même pas. Mm-hmm. Si on ne tient pas compte, si on ne reconnaît pas l'existence d'un problème, il n'y a aucune chance pour qu'on le résolve. Un deuxième thème de notre combat, c'est les politiques néolibérales. Parce que, en plus d'être racisés, on est des citoyens comme les autres, et donc la chasse aux chômeurs, les attaques contre les pensions, le sans-abrisme, l'état des hôpitaux, le financement des soins de santé, c'est une catastrophe depuis 35 ans, quoi, depuis la fin des 30 Glorieuses, qui était le bouquet final en fait de la période industrielle. La vague néolibérale qui est arrivée à partir du milieu des années 70, fermeture des frontières pour les étrangers, et puis libéralisation des marchés, privatisation à tout craint, diminution de la couverture sociale. Ça, c'est des thèmes classiques, je vais dire, pour la gauche et pour ce qu'on appelle la gauche, et pour les syndicats. Ils font évidemment partie de nos thèmes. Sur la politique néolibérale aussi, un point que je ne peux pas manquer de citer, c'est la différence de traitement entre les milliardaires, les riches, ou même pas, il n'y a même pas besoin d'être milliardaire, certainement les milliardaires, les grosses compagnies et les gens les plus riches, la différence de traitement qu'on applique à ce qu'on appelle la fraude sociale et par rapport à ce qui est soit de la fraude fiscale, soit de l'ingénierie fiscale où on évite de payer le moindre rond d'impôt tout à fait légalement et sans rien détourner des tout, en respectant la loi. Voilà, ça c'est pour le thème, pour la lutte contre le néolibéralisme. Et tu voulais penser à une chanson? Oui,

J'écris son histoire pour ne pas s'oublier. Ce qu'on peut faire avec de la volonté. T'as vu, nos sœurs sont belles, immenses, et le courage qu'elles portent en elles. 10 ans après, fallait que je le répète. On n'est pas condamné à l'échec. Nous retrouvons sur l'émission Tranche d'Anard, l'émission anarchiste de Radio Air Libre. Donc, tu nous parlais de différents points pour lesquels vous vous battez. Donc, il y a eu le racisme d'État, il y a eu le deuxième point, c'était la politique néolibérale. La politique néolibérale, et maintenant, je crois que c'est les violences policières. Oui, c'est en partie pour ça que j'ai choisi ce morceau de Kerry James qui raconte l'histoire de Amel Bentounsi, qui est une des figures majeures de la lutte contre les violences policières en France. Vous avez entendu la chanson, donc vous connaissez un peu l'histoire. Et les violences policières, c'est évidemment un objet plus que d'inquiétude pour les racisés. Les habitants des quartiers populaires, particulièrement dans le croissant pauvre de Bruxelles, pour ce que je connais le mieux, subissent ce qu'on peut véritablement appeler un harcèlement. Les jeunes, en particulier, subissent un véritable harcèlement de contrôle policier, qui sont en eux-mêmes des violences, sans même arriver au coup, mais les coups sont beaucoup trop fréquents aussi. Mais à côté de ça, il y a les contrôles permanents, les insultes racistes, et il y en a beaucoup trop. Et puis il y a des violences plus graves, donc des gens qui reçoivent des coups, des gens qui meurent parfois, comme Semira Adamou, dont on vient malheureusement de commémorer les 20 ans de l'assassinat par les gendarmes, qui a été tuée parce qu'elle était noire, parce qu'elle était sans papier. Et parce qu'elle osait s'exprimer et résister à son expulsion. Donc, à côté de cette violence policière, comme le raconte aussi un peu le morceau de Kerry James, la plupart du temps, et même quasi systématiquement, quand les policiers sont poursuivis, la justice les blanchit, la justice les acquitte. Là, pour Amel Bentounsi, par exemple, la première fois, le policier a été acquitté en première instance. En appel, il a été condamné, mais à du sursis. Donc, il a perdu son boulot, c'est triste pour lui, mais il a pris une vie. Il a pris une vie, et il a pris un frère, il a pris un fils, il a pris... Il a fait beaucoup de mal. Mm-hmm. Et bon, il est condamné symboliquement. C'est une grande victoire déjà, parce que faire condamner un policier, c'est quasi impossible. Mm-hmm. Mais il est libre en fait. Il est libre. C'est une condamnation symbolique. C'est très important, mais il est libre quand même. Donc ça, le fait que la justice, on dit la police violente, la justice acquitte quoi. Et ça, c'est inadmissible. On combat mm-hmm. ça et on veut que ça cesse. À côté des violences policières stricto sensu, il y a plein de dispositifs qui sont organisés et orientés vers les racisés. Des policiers, il y en a partout dans tout le pays, dans toutes les communes, pour tout le monde. Mais il y a des endroits où il y a des dispositifs qui sont mis en place, qui sont particuliers à des territoires bien précis. Et ces territoires se trouvent être les plus pauvres, et la plupart du temps parmi les plus pauvres, et à côté du fait qu'ils sont les plus pauvres, à côté de ça, ils sont en plus souvent les plus peuplés de populations issues de l'immigration, qu'on appelle aussi nous de l'immigration post-coloniale, parce que on n'est pas ici par hasard. Si on est ici, c'est en grande partie parce que quelqu'un était là-bas. Je ne sais pas dire chez moi, chez nous, parce que je ne sais plus où me situer sinon. Mais donc, il y a des gens qui étaient là-bas pendant longtemps. C'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Parmi ces dispositifs, il y a les contrats de sécurité qui ne sont pas sur toutes les communes du pays. C'est pour certaines communes qui sont des dispositifs sécuritaires, principalement, même s'il y a un volet prévention qui est affiché. Le plus récent, c'est le plan canal aussi. qui est juste pour la population de Molenbeek, c'est des milliers de visites domiciliaires, des milliers de radiations, des milliers de fermetures d'associations. Voilà, c'est un harcèlement policier et administratif qui est ciblé sur une commune sous couvert de lutte contre le terrorisme. Mais évidemment que l'immense, enfin la quasi-totalité de la population, à part quelques détraqués, s'ils étaient blancs, on dirait qu'ils seraient détraqués, n'a rien à voir avec le terrorisme. Et donc c'est juste du harcèlement de populations racisées pour exister politiquement et faire des voix. Voilà, ça je le dis en laissant le bénéfice du doute, et peut-être pas parce qu'ils sont profondément racistes, ils sont peut-être juste opportunistes. Et donc voilà, c'est, on lutte contre tous ces dispositifs de contrôle social qui sont spécifiques aux racisés, sous couvert de lutte contre le terrorisme ou contre l'insécurité. Voilà, ça c'est pour l'aspect violence policière et judiciaire. Ensuite, le quatrième volet, enfin, le quatrième thème auquel on s'intéresse et pour lequel on lutte, c'est le droit des sans-papiers, le respect des droits des sans-papiers. Ils ont évidemment des droits, mais on demande déjà qu'on respecte les droits qu'ils ont maintenant. Par exemple, en ne limitant pas le nombre d'inscrits à l'Office des étrangers par jour, alors qu'il n'y a aucune raison de le faire, sinon encore une fois de paraître publiquement et de se faire de la pub sur le dos des racisés. On est à 6 mois des élections fédérales et régionales. C'est extraordinaire cette limitation d'inscription, parce que on ferme des places d'accueil et puis il y a des réfugiés qui sont quand même là. Et puis on dit, il y a trop de réfugiés, il n'y a pas assez de place. Alors on va limiter le nombre d'inscrits par jour. Mais ça fait que c'est... Parce que quand on est inscrit, on a droit à une place. Et donc c'est juste une manière de ne pas remplir ses obligations, de ne pas respecter la loi. Et en plus de se faire passer pour un héros qui combat l'immigration, quoi. On parlait de... On va arriver à Schuman. L'Europe a réussi à libéraliser et à libérer les mouvements des biens et des marchandises, donc de l'argent et des marchandises, donc des biens et de la finance. Ils ont pas mal libéré aussi, et j'en profite aussi, les mouvements des gens, mais juste des Européens. On voudrait que cette liberté de mouvement et d'installation soit valable pour tout le monde. Liberté de circulation. Liberté de circulation. Il y a des passeports. Il y a un classement d'ailleurs de ça. J'ai pas les références, mais il y a un classement de la valeur de chaque passeport en comptant le nombre de pays dans lequel ce passeport vous donne le droit d'entrer sans visa, sans prévenir en fait, et sans demander. Évidemment que nos passeports sont parmi les plus puissants du monde, et puis il y en a d'autres, ils servent à rien, quoi. À la limite, avec ou sans, c'est pareil. Même si il ne faut pas oublier que les réfugiés, il y en a des dizaines de millions dans le monde, et ils sont en très grande majorité, c'est des réfugiés qui sont réfugiés dans des pays qui sont parfois aussi pauvres, voire plus pauvres que les leurs, quoi. Parce qu'on se plaint, enfin, certains se plaignent qu'on reçoit trop de réfugiés, que ça nous coûte trop cher, alors qu'on ne s'occupe pas des nôtres, etc. Mais un pays comme le Liban, il a plus, je crois qu'il a quelques millions d'habitants, et il a plus d'1,8 million de réfugiés. C'est comme si on avait 2 ou 3 millions de réfugiés ici, ce serait la fin du monde pour certains. La Jordanie qui en a plus, non ? La Jordanie qui en a plus, je crois que c'est 3 millions. J'ai pas dit que c'est le Liban qui en avait le plus, mais parce qu'entre Africains aussi, entre pays africains, il y a des mouvements de population avec toutes les guerres qu'il y a, qu'on provoque, qu'on alimente. Il y a beaucoup plus encore de réfugiés qu'au Moyen-Orient. Je crois que c'est en Jordanie que c'est un truc immense. Ouais. En Turquie, si il y en a, mais ça a été négocié à coups de millions. Ouais. À coups de milliard, oui. Ça, coup de milliard. Mais ça dépend de quel réfugié on parle. En Jordanie, il y a surtout des réfugiés palestiniens et depuis 2011, des réfugiés syriens. Au Liban, c'est pareil d'ailleurs. Mais bon, c'est des pays beaucoup moins riches que nous. On est encore aujourd'hui la 15e puissance économique du monde, ce qui est énorme. Pour un petit pays de 11 millions d'habitants, on est super riche. L'argent est juste très très mal réparti. Et on accepte d'inscrire 60 personnes par jour. C'est minable, franchement. Oui, c'est, minable. C'est minable. Et on combat ça, donc. Mais c'est dans tous les pays européens, hein, comme ça aussi. Hein. La France, pareil. Ah oui, mais bon, je suis belge, je suis à Bruxelles, je parle de ce que je connais le plus proche de moi. Oui. Mais évidemment que c'est une politique européenne. C'est une politique européenne de fermeture des frontières. Voilà. Ah oui, en plus, cette question des sans-papiers, donc non seulement... nous, qui sommes issus de l'immigration postcoloniale légale, on va dire, on est là parce que les pays européens colonisaient les pays de nos ancêtres, les pays de nos ancêtres. Mais la plupart des réfugiés qui sont ici aujourd'hui, ils sont là à cause de notre action dans le monde. Et ça va... Je vais faire la transition avec le cinquième point pour lequel... la cinquième chose contre laquelle on lutte et contre laquelle on va marcher le samedi 1er décembre, c'est l'impérialisme. C'est-à-dire que, et je l'ai évoqué aussi avec le racisme d'État vers l'extérieur tout à l'heure, c'est-à-dire notre participation en tant que membre de l'OTAN et membre de ce qu'on appelle, de ce qu'on auto-appelle nous-mêmes la communauté internationale, c'est-à-dire en fait nous, les Blancs, l'Europe occidentale, les États-Unis, l'OTAN, le Canada, et puis d'autres qui sont un peu plus périphériques, comme l'Australie, par exemple. Mais c'est ça, la communauté internationale. C'est-à-dire moins d'un cinquième de la population mondiale, en fait. Avec ces organisations, avec l'OTAN, on participe à plein de guerres. Un peu partout, on bombarde directement ou indirectement, soit en envoyant nos avions, soit en vendant nos armes. On nous reproche souvent de soi-disant importer le conflit palestinien, le conflit israélo-palestinien ici, mais on ne nous parle jamais du fait que nous on exporte, comme je le disais tout à l'heure, des armes en masse. On n'a pas de limite d'ailleurs, on nous en prendrait sans limite, on en vendrait sans limite, on agrandirait les usines, on n'a pas de... On n'a pas de problème de valeur dans ce cas-là, sauf la valeur qu'on reçoit en monnaie sonnante et trébuchante pour tuer des gens. Donc, la lutte contre l'anti-impérialisme, c'est notre cinquième thème. On prétend souvent qu'on est solidaire avec le Sud et qu'on soutient le Sud. Mais nous, on pense que, évidemment, qu'on doit soutenir le Sud dans toute la mesure de nos moyens à partir d'ici au Nord. Mais on n'a certainement pas à leur donner de leçons. Et au contraire, c'est le Sud qui nous soutient en faisant démonstration d'une résistance incroyable. En particulier les Palestiniens, le peuple palestinien. On dit qu'on soutient les Palestiniens. C'est vrai qu'on les soutient... principalement et le plus efficacement en boycottant Israël de toutes les manières possibles avec le mouvement BDS. Mais c'est surtout le peuple palestinien qui nous donne une leçon de courage, de résilience, de résistance et d'amour de la vie en permanence. Donc c'est notre lutte, notre force pour lutter ici contre le racisme et contre la domination impérialiste. Elle nous vient en grande partie de ces gens du Sud qui le subissent de la pire des manières, bien plus forte que ce qu'on subit ici, nous, les gens du Sud qui vivons dans le Nord. En plus, avec des dirigeants là-bas dans le Sud qui sont souvent des élites bourgeoises, fabriquées, préfabriquées, par nous, par l'Occident aussi. C'est comme des agents occidentaux sur place. C'est encore plus facile que pendant la colonisation. On n'a pas besoin d'envoyer de soldats à nous, ou d'envoyer des colons ou de peupler. On fait ça indirectement, c'est le néocolonialisme. Ça entraîne le Congo, le chiffre minimum sur ces 20 dernières années, le chiffre minimum, donc l'évaluation basse du nombre de morts, c'est 6 millions. C'est énorme, c'est dans un seul pays. Et on est évidemment complice de ça. Et on aimerait bien que, pas en mon nom, ça devienne vrai. Et c'est-à-dire que nos États, l'Europe, arrêtent ces politiques impérialismes, et arrêtent de provoquer la mort de millions de gens à travers le monde. La lutte contre l'impérialisme, c'est aussi... une lutte que mènent les associations noires, en particulier BAMCO en ce moment, pour la restitution des biens pillés pendant la colonisation. Le musée de Tervuren doit rouvrir dans 2 semaines, je crois, début décembre. Il a été rénové, le matériel a été rénové, ce qui est dedans a été rénové, les murs ont été rénovés. Mais ce qui n'a pas été rénové, c'est sa vision. De ce que doit être un musée de l'Afrique, comme ils l'appellent, ou de ce que, ou peut-être que ça ne devrait pas être. Et puis surtout, il y a un combat là maintenant pour la restitution des biens qui ont été volés, en fait. Et il ne resterait pas grand-chose dans ce musée si on rendait tout ce qu'on avait volé. Donc non seulement pour l'instant ils refusent de rendre, mais en plus ils utilisent ça. Ça reste un musée à la gloire de l'époque coloniale belge. Ça reste un musée à la gloire de l'épopée coloniale de Léopold II et de tout ce que ça a rapporté à la Belgique et au Congo, soi-disant. C'est un endroit, j'ai vu un article, il y a même une série d'articles qui a été faite, je ne sais pas par quel journal, mais qui nous montre le lien de certaines personnalités belges avec le musée de Tervuren. Et il y en a, c'est un endroit pour eux de nostalgie, parce qu'ils sont nés au Congo, ou... Où ils ont vécu au Congo, et alors ils aiment bien aller au musée, ça leur rappelle l'époque coloniale pendant laquelle ils étaient au Congo. Et l'apartheid qui existait très fort au Congo. Parce qu'en Flandre, en fait, il y a eu la télévision publique flamande a diffusé une série de documentaires sur le colonialisme et sur les conséquences, et avec des témoignages. C'était relativement sage encore, mais il y a une certaine percée critique aussi. Et tu vois, en fait, l'image qu'on donne toujours aujourd'hui du Congo colonialisé, on sous-estime, on ne montre pas du tout la résistance qui a existé, qui a été hyper forte, qui a duré pendant des décennies, des gens qui se sont luttés, qui sont morts, qui ont fait tout et n'importe quoi pour essayer de se protéger ou de protéger leur communauté. Comme les pauvres petits noirs, tu vois, qu'il fallait quand même aller civiliser ou aujourd'hui aider, soi-disant. Je dis ça parce que ça m'intéresse beaucoup de votre démarche, en fait, votre analyse. D'un côté, vous utilisez des analyses qu'on connaît déjà, comme une critique anticapitaliste ou contre le néolibéralisme ou contre le racisme, aussi et ça. Mais votre angle, c'est le décolonialisme. Pour moi, c'est un terme assez nouveau. Je me demande d'où est-ce que vient cette analyse, comment est-ce qu'on a recentré la discussion ou l'analyse. Mais le concept de décolonialité, de lutte décoloniale, il n'est pas encore... il commence à percer. Les lignes commencent à bouger en France un peu plus, et ici aussi. Mais ce n'est pas un concept qui vient évidemment d'Europe. C'est un concept, une épistémologie qui vient à la base d'Amérique du Sud, qui a des origines qui sont dans la théologie théologie de libération. Donc malheureusement je maîtrise pas l'espagnol, mais ce sont surtout des auteurs sud-américains un grand philosophe argentin, je pense Enrique Dussel entre autres. Il y a aussi Ramon Grockfogel qui est professeur de sociologie à Berkeley, qui est portoricain et qui fait partie du réseau décolonial international, qui est aussi une des références en matière de décolonialité. Et puis une des bases plus anciennes mais ignorées la plupart du temps de cette façon-là de la théorie décoloniale, c'est Frantz Fanon, qui est plus ou moins connu, mais peut-être plus comme philosophe que comme lutteur, c'était plus qu'un activiste, c'était un combattant de la liberté contre le colonialisme. Et en fait, tout ce que je raconte là, tous ces thèmes qui nous touchent au niveau local et au niveau international, c'est basé sur la pensée de Fanon qui dit qu'il y a les êtres et les non-êtres, avec la différence, en schématisant, la différence entre le nord et le sud, avec le nord qui domine, qui maltraite, qui pille le sud, et le nord qui en même temps, avec les populations qui y vivent, qui sont issues du sud, les traite aussi de manière discriminante, raciste et dominante. Voilà. Ouais. Moi j'aimerais bien parler encore un peu plus de ça, parce que ça me fait penser beaucoup à un certain discours anti-impérialiste qu'on est déjà depuis des décennies, mais qui est plutôt du côté de la Belgique ou de l'Europe ou du marxisme par exemple aussi, et ça. Mais peut-être qu'il faut un peu alléger et passer un petit morceau. Je pense que ce sera Nina Simone, je suis pas tout à fait sûr, mais and so now Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelite, sir. Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. She said I was yours to receive. Oh, the Israelite. Shut them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, the Israelite. After a storm there must be a calm. If you catch me in a farm, you sound your alarm. So that every mouth can be fed. Oh, Israelite, sir. Step my wife and my kids and get back up and not leave me. Darling, she said that was yours to receive. Oh, Israelite, sir. Look, you took them a tear of choices ago. I don't want to end up like Bonnie. Voilà, donc on reprend le cours de notre discussion. Hans, tu avais envie de parler de décolonialité, c'est comme dit Mouad. Oui, parce que comme dans le féminisme, on découvre plein de nouvelles analyses. Enfin, moi je les découvre en tout cas. Et des nouveaux mots, des nouveaux termes, comme la décolonialité. Mais ce qui m'a frappé beaucoup dans votre discours, dans votre démarche, c'est une sorte de globalité d'analyse où à la fois vous amenez de nouvelles choses, vous avez un autre angle et vous reprenez des choses qu'on connaissait déjà, tu vois, comme une critique anticapitaliste ou autre. Et ça me faisait un peu penser aux analyses ou points de vue qui ont existé à un moment dans les années 60, 70, 80, par exemple chez des marxistes, où il y avait une analyse globale et puis il y avait la stratégie, hein, il y avait soit le parti ou la guérilla ou la lutte armée ou je ne sais pas quoi. Et c'était la direction à prendre. Donc je me demande si vous faites une analyse aussi globale, quelle est votre stratégie? Et juste un petit point, je vois bien des tactiques, notamment comme une grève qui est quelque chose de classique mais qui a déjà été bien détournée par exemple par les féministes en Espagne ou en Italie ou ailleurs où on fait une grève de femmes, et la manifestation qui est aussi un moyen de lutte assez classique. Donc quelle est votre stratégie pour avancer et pourquoi et comment vous mettez en place cette tactique? Oui. Alors ici, j'aimerais quand même préciser qu'on sort un peu de la thématique Rosa Parks et de l'action de ce week-end au sens propre. Mais je veux bien parler de décolonialité, évidemment. Donc la décolonialité, le concept de décolonialité, sa vision, c'est que si la décolonisation formelle a eu lieu dans les années 60, 50, 60, et que les pays du Sud ne sont plus formellement, politiquement colonisés, à part pour ce qui est de la Palestine, qui est toujours colonisé. La colonialité est présente dans tous les domaines des relations humaines entre le Nord et le Sud, et dans les relations bilatérales, multilatérales, dans les relations internationales en fait, dans tous les aspects de la vie, quoi. Donc la colonialité, elle est dans le pouvoir, elle est dans le savoir, elle est dans les loisirs, elle est partout. Maintenant, notre stratégie, c'est la lutte politique, c'est l'antiracisme politique, notre stratégie. En quoi ça consiste? Ça consiste à tenir des discours comme ceux que je tiens, à faire passer notre message, à faire passer notre vocabulaire, à faire passer notre vision située depuis où on est. Ça, c'est déjà un combat, faire accepter nos mots, faire accepter notre connaissance de notre propre expérience. Ensuite, tu as parlé de tactique. Là, on ne réinvente évidemment pas l'eau chaude. D'ailleurs, on ne réinvente jamais l'eau chaude. On manifeste, on fait grève, mais notre objectif stratégique, notre souhait, c'est de créer des alliances avec des gens qui sont à la fois nos premiers adversaires, mais les premiers alliés qu'on puisse espérer avoir, c'est-à-dire l'extrême gauche et la gauche traditionnelle marxiste, qui est pas très puissante, mais qui est plus nombreuse que nous, parce qu'on est non seulement minorisé, mais on est évidemment hyper minoritaire. Et cette gauche blanche sur laquelle on a plein de... avec laquelle on a plein de points de convergence, évidemment, qu'on est contre l'impérialisme, qu'on est contre le néolibéralisme, qu'on est pour les couvertures sociales, qu'on est pour la justice, pour l'égalité. Mais on pense qu'il faut combattre ça en tenant compte aussi de la race, et du racisme et de ses effets. Parce que quelle que soit quelle que soit la domination qu'on subit, dans toutes les relations de domination, le racisme est un facteur aggravant. Si on est ouvrier, on est dominé par son patron, mais si on est ouvrier et qu'on est racisé, on est encore plus dominé par son patron et on peut subir aussi du racisme de la part même de ses collègues. Si on est une femme, on subit évidemment le patriarcat et la violence sexiste. Mais si on est une femme racisée, on subit ça comme toutes les femmes, mais en plus on subit de l'islamophobie ou de la romophobie ou de la négrophobie. Donc à chaque fois, le facteur racial duquel on ne peut pas se défaire, on ne peut pas choisir sa couleur, on ne peut pas choisir son apparence. Chaque fois, ce facteur est un facteur aggravant dans la relation de domination. Dans le savoir, c'est pareil. Entre l'universitaire et celui qui a juste ses primaires ou ses secondaires, il y a une relation de domination en termes de capital culturel, en termes de savoir. Mais entre l'universitaire avec un diplôme européen et le même universitaire avec un diplôme d'un pays d'Afrique, algérien ou congolais, ils ont tous les deux un diplôme universitaire, mais là, il y a une relation de domination entre Nord et Sud, parce que le diplôme universitaire du Nord, il est valable, alors que celui du Sud, il n'est pas valable dans le Nord. Le gars qui peut être médecin et soigner des Africains, soigner des Congolais, soigner des Algériens, soigner des Marocains, soigner des Tanzaniens, ça, il peut les soigner, mais s'il doit soigner des Blancs, on ne lui donne pas l'équivalence, il ne peut pas être médecin ici. Donc là, on voit aussi que la race est un facteur aggravant quand on a fait autant d'études qu'un médecin européen, qu'on arrive en Europe, mais qu'on n'a pas le droit d'exercer son métier, alors que parfois on a soigné des gens pendant des années dans son pays d'origine. On voit là que l'origine, la généalogie, la race sont un facteur aggravant, déterminant. Et donc notre stratégie, notre objectif, c'est de convaincre cette gauche blanche de s'acheter le petit miroir là qu'on achète en plus pour mettre sur son rétroviseur et pour faire apparaître ce qui est dans leur angle mort, c'est-à-dire cette question raciale, avec comme objectif de créer le rapport de force le plus fort possible et qui soit le plus possible en faveur de nos luttes communes, de la lutte contre le capitalisme, de la lutte contre l'impérialisme, mais aussi de la lutte contre la domination raciale. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, en termes de communication, d'aller peut-être dans des centres de jeunesse ou dans des écoles pour expliquer justement ce phénomène de... Pour la plupart des signataires de l'appel du collectif Rosa Parks, pour la plupart, en tout cas, pour la plupart des membres du collectif, au sens strict, pas des signataires, on est des militants et des activistes politiques qui ne faisons pas ça de manière professionnelle. Mm-hmm. Donc on a famille, travail, mm-hmm. Études... en principal, et on fait ça en plus de tout le reste. Et évidemment qu'en termes de communication et en termes de pour répandre nos idées, on aimerait créer et organiser ce qu'on appelle aujourd'hui des masterclass, mais bon, des formations en fait, des formations populaires comme faisaient avant les partis de gauche, et font encore en partie les syndicats. Les partis font encore un peu ça avant les élections communales, pour former un peu les candidats et créer des vocations. Mais on n'a pas les moyens matériels de le faire. Mm-hmm. On a les idées, mais il y en a d'autres qui ont l'argent. voilà, donc oui, mais... Toutes les forces vives, tous les soutiens sont les bienvenus. Même si on n'a pas d'organisation pour recevoir des dons ou des choses comme ça, on n'a même pas ce niveau-là d'organisation. En tout cas, pour ce qui concerne la branche décoloniale du collectif Rosa Parks. Mais oui, tu as raison. C'est une manière de faire, en plus de faire des grèves et de faire des manifestations. Il faut essayer de répandre notre message le plus possible. Faire des conférences ou des choses comme ça. Je suis ici pour parler comme membre du collectif Rosa Parks, donc je ne vais pas trop parler des activités de ceux qui font du décolonial dans ce collectif. Ouais. Les gens qui ont signé avec nous sont d'accord avec nous, évidemment, même si eux... militent d'une autre manière ou pour d'autres causes. Ça fait déjà pas mal de liens. Mm-hmm. Beaucoup d'individus, beaucoup d'associations aussi. Pas les grandes, pas celles qui ont pignon sur rue. Oui, puisque vous êtes un jeune collectif en plus, parce que vous connaissez... Ah, mais le collectif, donc l'idée est née à Paris en mai, il y a six mois. C'est ça, donc vous êtes un jeune collectif, donc encore de... les moyens de pouvoir faire éventuellement votre chemin. Et l'international aussi, c'est une ambition, évidemment. Donc ce sera organisé à Bruxelles, c'est organisé à Paris et dans d'autres villes de France, Toulouse et Montpellier, entre autres, oui, je pense. Oui, j'ai vu, c'est pas mal. Oui. Et c'est organisé aussi aux Pays-Bas. Mm-hmm. C'est bien. C'est bien. Donc le 30 et le 1er. Oui, le 30, vendredi disparaît, 30, on disparaît. Et le 1er, on réapparaît. On réapparaît en force le plus nombreux possible. On vous attend le plus nombreux possible. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Hein. Merci et, encore pour l'invitation. On vous souhaite quand même beaucoup, beaucoup de succès. Parce que c'est quand même important, tous ces thèmes abordés sur le racisme, la décolonisation, l'islamophobie, enfin tous ces thèmes, c'est quand même, ça fait partie de notre quotidien et c'est vrai que c'est des luttes permanentes qu'il faut avoir. Merci beaucoup. Voilà. Rendez-vous le 1er décembre. Rendez-vous le 1er décembre, oui, parce que le 30 novembre, on disparaît alors. Ouais. Voilà. Ok. Avant de clôturer notre émission, je voudrais vous lire un texte, une pensée de Leila Slimani. Alors Leila Slimani, c'est une représentante personnelle du président Macron, mais c'est pas pour ça qu'elle est pour Macron, de personnel du président Macron pour la francophonie et pour, qui va lui permettre éventuellement de siéger au Conseil permanent de la francophonie. En fait, elle écrit un texte suite à une pensée d'un, quand Macron a été faire son tour là, de Verdun, 11 novembre, machin, et trucs comme ça. Donc le 6 novembre à Verdun, il y avait un vétéran qui s'était adressé au président Emmanuel Macron en demandant « Quand mettrez-vous les sans-papiers hors de chez nous ?» Et alors elle fait tout un texte là-dessus et qui est assez, moi que je trouve qu'il va aussi dans la lignée de ce qu'on vient de dire, et qui est assez sympa. Alors, on notera l'élégance et la subtilité de la formulation. Ce vétéran, je le connais, ou plutôt je le reconnais. Cette voix amère, ce ton aigre, cette façon hautaine de cracher les syllabes lorsqu'il dit « sans papier ». Tous les métèques de France vous le diront, tous les arabes, les noirs, les sans ou avec papier vous le confirmeront. Ces propos sont de plus en plus courants. Ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui marmonnent sur notre passage. Ceux qui, dans le bus, trouvent qu'il y a trop de gens de couleur, qui se plaisent à repérer que leur France a changé. Ceux qui humilient, qui bousculent, qui insultent, qui refusent de vous servir, qui éructent contre l'islam. Qui se plaignent du grand remplacement, du cheval de Troie, qui nous invite à rentrer chez nous quand c'est chez nous, quand chez nous c'est ici. À cette question, le président a répondu que ceux qui ont le droit à l'asile seraient accueillis, mais ceux qui peuvent vivre librement dans leur pays doivent être reconduits. J'aime votre réponse, a plastronné votre généreux vétéran. Pourtant, il me semble qu'Emmanuel Macron aurait dû défendre avec plus de vigueur et de froideur ce que cet homme rêve de mettre dehors. Il aurait pu lui répondre sèchement qu'on ne parle pas ainsi des gens en les résumant au vocable sans papier. Il aurait pu lui dire, puisqu'il faut défendre la pensée complexe que l'immigration est une question ô combien complexe parce qu'elle est humaine, douloureuse, existentielle. Il aurait pu lui parler, lui rappeler que les 10 sans-papiers ne sont pas sans visage. Ils ne sont pas des figures abstraites sur qui on peut allègrement se défouler. Ils sont étudiants, nounous, chefs cuisiniers, chercheurs en sciences sociales, écrivains, gardes-malades, parents, enfants, soutien de famille. Qui prend leur défense face au discours nauséabond? Qui s'inquiète qu'ils soient poursuivis, méprisés dans un pays où pourtant ils s'intègrent, travaillent, aiment et tentent de survivre? On va continuer à faire le travail, dit le président. Pendant ce temps, ce sont tous ces immigrés qui continuent à faire le travail, jour après jour, année après année, et tout le monde le sait et ferme les yeux sur l'exploitation dont ils sont l'objet. Vivre librement? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vit-on librement quand on vit sans dignité, quand on a faim? Quand on n'a pas d'hôpitaux où se soigner, quand les écoles où on inscrit ses enfants n'ont ni toilettes ni tableaux noirs, vit-on librement quand on n'a pas d'espoir, pas de droit de manifester, de s'exprimer, de vivre sa sexualité? Vit-on librement en Afghanistan où tant de sans-papiers continuent d'être expulsés, voyant leur destin basculer dans l'horreur? Posons-nous la question, dans combien de pays d'Afrique vit-on aujourd'hui en hommes et en femmes libres? Partir fait partie de la vie des hommes. Comme on quitte la province pour rejoindre Paris, comme on fuit l'ennui et la désespérance, on quitte son pays pour d'autres horizons. Personne ne devrait mépriser le droit légitime de chacun à rechercher le bonheur. Personne ne devrait avoir le droit de parler avec légèreté ou condescendance des exilés, des travailleurs de l'ombre, des invisibles qui n'ont peut-être pas des papiers, mais qui ont des droits. Et le premier d'entre eux est celui d'être respecté, regardé dans les yeux et défendu. Voilà. Je trouve que c'est un texte assez important qu'elle a écrit. Oui, je n'adhère pas à tout, mais c'est un beau texte. Oui, c'est un beau texte quand même. Ouais. Voilà. Donc, pour terminer, alors on va faire un petit agenda simplement. Je sais qu'il y a beaucoup d'actions contre le climat actuellement. Il y en a une aujourd'hui où il y a des gens qui sont rentrés dans la cour... du Premier ministre, là. Oui. Ouais. Du Parlement. Du Parlement, voilà. Pardon. Ils sont rentrés dans la cour des gens. Qui... Ah, j'ai pas encore vu. Oui, oui. J'en ai entendu, je l'ai entendu ce soir à la radio. Et puis, il y a à part ces. Cette semaine aussi, je ne sais plus c'est quand, ils ont été aussi mettre. Comment est-ce qu'on appelle ça encore? J'ai oublié. Des papiers où tu. Le graphe. Oui, espèce de graphe comme ça, mais c'est un autre terme. Sur les banques, en fait, pour montrer, en fait, justement, que les banques participent, en fait, contre le climat, en fait, en finançant surtout des sociétés qui polluent très fort et tout. C'était ça, surtout. Donc il y a dimanche, il y aura une grande manifestation. Le problème, c'est que je ne vois pas l'heure. On ne t'entend pas bien, là. On ne m'entend pas bien. Pourtant, ça, c'est ouvert. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Ça va mieux. Ouais. Donc, je disais que dimanche, il y avait donc une grande manifestation ici à Bruxelles. Mais je ne sais pas l'heure exactement, que c'est où. Et ça, bon, à mon avis, on va sûrement le trouver ailleurs. Et que les transports en commun seront gratuits ce jour-là, toute la journée. La STIB, en tout cas. Oui, la STIB, oui. Ouais, ça sera gratuit toute la journée. Ce qui est plutôt rare comme, comme initiative, en tout cas. C'est... Ils font ça le jour de la journée sans voiture. Oui, oui, c'est gratuit ça, aussi. Ouais. Oui. Et si je peux rebondir là-dessus, il y a quelqu'un qui va à cette marche, visiblement, cette manifestation du 2 décembre, qui nous a interpellés sur notre page Facebook. Pour nous dire, venez plutôt manifester le 2 avec nous, unissons-nous. Et je lui ai répondu que ce serait avec plaisir, mais qu'il pouvait aussi nous rejoindre le 1er et nous montrer l'exemple de l'union, et qu'on le rejoindrait alors le 2 avec grand plaisir. Et je lui ai rappelé aussi qu'on ne pouvait pas changer la date de l'action de Rosa Parks, qui était un 1er décembre. Donc voilà. C'est bien. J'y serai sûrement dimanche. J'espère que les gens de dimanche seront là samedi aussi. Week-end manif. Voilà. Un samedi pour la dignité et dimanche pour la dignité de la planète, du climat. Exactement. Il y a encore pour le jeudi 29 novembre à 19h30 à la librairie Agrata, qui se trouve rue de la Grande Île, numéro 32 à 1000 Bruxelles, une discussion autour du dernier cahier d'Ouria. Donc c'est rompre les rangs, contre la guerre, contre la paix, contre la révolution sociale. Jamais peut-être le monde n'a eu plus besoin de souffre vivant. Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes parce que là ça devient un peu compliqué. Jamais peut-être. Attends, le monde... C'est fou, c'est moi qui fais ça. Tu vois bien, mais nous on entend mal. Ouais. Jamais peut-être le monde n'a eu plus besoin du souffle vivifiant de l'anarchisme. Jamais la nécessité de briser la règle, la discipline, la loi n'est apparue plus grande qu'aujourd'hui, écrivait un compagnon à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, les guerres, l'autre face de la paix ensanglantée des marchés, du progrès et de la production continuent de ravager le monde. Et peut-être aujourd'hui aussi. Ce dont il a besoin, c'est le cri strident de l'anarchie, qui s'oppose à tout pouvoir, qui rompt les rangs et les états totalitaires et démocratiques, qui scrute l'horizon pour s'arrêter le massacre là où il est produit. La guerre, le contrôle, la répression, l'exploitation, le militarisme des esprits, la haine sectaire, le maelstrom technologique sont tous des aspects de cette domination en incessante restructuration. Que ce cahier se propose d'analyser en s'accentuant en même temps sur le chemin de l'action d'hier et d'aujourd'hui contre leur guerre et contre leur paix. On se propose de revenir ensemble sur les textes que compose ce cahier comme un point de départ pour le développement d'une réflexion anarchiste face à la guerre et à la paix. Ce livre est disponible au local. Mais une chose que je ne comprends pas, comment les anarchistes peuvent être contre la révolution sociale ? Il faut aller, ils vont expliquer. Ok. Et contre la paix aussi, Marc. Je suis démodé, là, j'ai l'impression. Hein? C'est pour la révolution sociale, pardon. Ah, pour la révolution sociale. Et pour la paix. C'est contre la guerre, contre la paix et pour la révolution sociale. Pourquoi contre la paix? Ça, il faut vraiment y aller. Il y a une erreur de frappe ou quoi? Non, je pense qu'il parle de Pax Romana, tu vois, la paix imposée par... C'est ça, ouais. Ah, la paix imposée, peut-être. Ouais. Ouais, c'est ça. Une soi-disant de paix. Ouais. Ok. Donc voilà. Mais c'est à quelle heure? C'est intéressant. C'est donc jeudi à 19h30. À 32 rue de la Grande-Île. 32 rue de la Grande-Île, ouais. Voilà. Voilà. Donc pour terminer, bon, notre chien n'est pas là, mais on va passer une chanson qui a été écrite... Pardon ? Ah, oui, juste un petit mot, j'ai trouvé l'info pour dimanche. C'est midi, Gare du Nord. Oui. Donc samedi, Rosa Parks marche pour notre dignité. 14h. 14h, place du Trône. Et le climat, dimanche midi. Ça s'appelle la place du Trône, là où il y a la statue de Léopold II ? Oui. Ah bon ? Je savais pas. Mmh. Et donc on va passer, donc, pour terminer, une chanson qui a été écrite par Pete Seegers. Seegers, c'est ça ? Ah. Séguère, simplement. Séguère, justement sur Rosa Parks.